Je veux mourir. Je pense que dans ma situation privée, il est bien légitime de mourir. Alors, je veux mourir. Quand à 35 ans, on vit seul dans une pièce avec un chat, il faut mourir. Alors, je vais mourir. Tout le monde dit d'attendre et que c'est qu'une période, mais ça fait 5 ans et je veux mourir. Donc, je vais mourir. Désolé les potes, désolé les amis, désolé les autres et mes parents, mais vous n'avez pas ma vie et je vais mourir.